ma chambre en ville. J'chill, j'prends un Advil, j'ai mal à la tête. T'as pas un Advil? J'pense à ce que j'dirais, j'penserais l'émission de Jean-Luc Mongrain que tout le monde est ill. Mighty T'es en train de baiser une fille en hill. Ça sent le oui. J't'avais de call les 911. Tout le monde a son gun? Oui. Bop, bop, bop, Babylon. C'est dommage la vie ici, tout le monde est sous son poids. J'vois pas. Faut pas que ça lance de caméra, rentre là, mais nouvelle TV. Parce que le matin, les poignées, rien peut stopper chez même. Prête à donner le morceau de robot au Colombo qui va mettre toutes les infos sur pause. Stopper pointé, faut que j'vois pause. Pause. William Kid, j'suis dans ma chambre en ville, j'chill, j'prends un adlib, j'suis dans ma chambre en ville, j'chill, j'prends un adlib, j'suis dans ma chambre en ville, j'chill, j'prends un adlib, j'suis dans ma chambre en ville, j'chill, j'prends un adlib. Ah shit, OG vient d'arriver avec le tape de Nas, pis deux filles qui mangent comme Jazz, lui pis les filles c'est comme Bobino pis Bobinette, ça prend pas un génie en âme, ça va que toujours leur main dans leur babette, vite comme une corvette, ok, ok, j'arrête de taquiner la planète, check Sonia de Bénis, voir ATV est au contrôle comme Janet, pis Sonia, Cabana, la gang de musique plus c'est Joanne. Ouvre la fenêtre, y'a trop de boucan, ventilateur t'en panne. Bop, bop, hey Chase, ouvre la lumière, y'a un début de chicane. Yo Troy, assez Yassine, yo check it out man. Yo, bring le grab, yo, what up. J'suis dans ma chambre en ville, j'chill. J'vois un adlib, j'suis dans ma chambre en ville, j'chill. J'vois un adlib, j'suis dans ma chambre en ville, j'chill. J'vois un adlib, j'suis dans ma chambre en ville, j'chill. J'vois un adlib, j'suis dans ma chambre en ville, j'chill. J'vois un adlib, j'suis dans ma chambre en ville, j'chill. J'vois un adlib, j'suis dans ma chambre en ville, j'chill. J'prends un adlib, j'suis dans ma chambre en ville, j'chill. J'prends un adlib. Bombé l'œil, 4h du matin, en paix, la pizzeria dans bol, vole la moitié de temps encore à mon party. J'ai hâte d'aller bouger, j'suis fatigué. Mais j'suis encore avec Paris, t'es le mec, c'est le monde de danser, de baiser. Oh my god, quelle boîte, l'œil, 4h36, ça va les siens d'arriver. Ils veulent arrêter de boiter devant les envoyer chier. Leur pige bouteille, hey! J'ai le bac qui nous met tout en dedans, pis ben qui a bu trop de fort encore. Ensemble, un copain que de bouteille, on donnera pas fort à rire. On se retrouve tout en dedans encore une fois, j'me promets, plus jamais faire la party. Mais tu sais ce que c'est quand t'as un coup comme mon coup, il faut être fou pour faire de party. Bon, j'm'en vais me coucher. Ah bah, c'est le lendemain. J'suis dans ma chambre en ville, j'chill. J'prends un adlib. J'suis dans ma chambre en ville, j'chill. J'prends un adlib. J'suis dans ma chambre en ville, j'chill. J'prends un adlib. J'suis dans ma chambre en ville, j'chill. J'prends un adlib. J'suis dans ma chambre en ville, j'chill. J'prends un adlib. J'suis dans ma chambre en ville, j'chill. J'prends un adlib. J'suis dans ma chambre en ville, j'chill. J'prends un adlib. J'suis dans ma cellule en ville. Et j'prends un adlib. Ouais, une heure. Ça joue un coup, là. Yo, Chase, fake that up. I wanna go to bed. Yo, what's up, Casey? Je t'appelle de France. Je te rappelle après.